pourrait changer le monde. Plus de guerre, plus d'enfants à travailler la terre. Plus d'images de famine, de départ en exil. Plus de torture, on est tous la même nature. Plus de torture, plus de torture. Plus de guerre, plus d'enfants à travailler la terre. Plus d'images de famine ou de départ en exil. Plus de torture, on est tous la même nature. Plus de torture, on est tous la même nature. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et que rien n'avait changé. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et que rien n'avait changé. Non, rien n'avait changé. Ou alors, comment? Un jour j'ai rêvé que j'ai pu changer ton monde. Plus d'angoisse, j'ai pu étancher ta soif. Plus de stress, disparu la détresse. Plus de questions qui te font tourner en rond. Plus de questions, plus d'angoisse, j'ai pu étancher ta soif. Plus de stress, disparu la détresse. Plus de questions qui te font tourner en rond. Plus de questions qui te font tourner en rond. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et que rien n'avait changé. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et que rien n'avait changé. Non, rien n'avait changé. Toujours rien changé. Ou alors comment? Un jour je rêvais que mon monde avait changé. Plus de solitude, chassais les mauvaises habitudes. Plus de routine, pas une vie en sourdine. Aimer, encourager, protéger, il avait tout pensé. Aimer, encourager, protéger. Plus de solitude, chassais les mauvaises habitudes. Plus de routine, pas une vie en sourdine. Aimer, encourager, protéger, il avait tout pensé. Aimer, encourager, protéger, il avait tout pensé. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et qu'il avait tout changé. Réveillé, j'ai vite réalisé que la terre avait tourné et qu'il avait tout changé. Il avait tout changé. Il avait tout changé. Maintenant je sais que ton monde peut changer. Maintenant je sais que ton monde peut changer.